vendredi 19 octobre, pour aller plus loin. Lisez Ellen G. White, « La loi de Dieu est immuable », pages 317 à 328 dans Le Grand Espoir. Lisez les articles « Dénomination, relation aux autres », pages 763-764, et « Roman Catholic Church », page 1110 dans The Ellen G. White Encyclopedia. Bien que l'Église adventiste du septième jour soit une Église mondiale avec de nombreuses églises locales, les adventistes ne prétendent pas être l'Église universelle du Christ. L'Église universelle transcende toute dénomination. Elle est visible et invisible dans la mesure où elle est composée de ceux qui croient en Jésus et le suivent. Cette question théologique particulière s'intensifie si nous prenons en compte l'apostasie parmi les chrétiens dont il est question de façon saisissante dans le livre de l'Apocalypse. L'Église pure de l'Apocalypse est mise en opposition avec la prostituée d'Apocalypse 17, Babylone, la grande ville, qui est à son tour mise en opposition avec la fiancée de l'agneau, la ville sainte ou la nouvelle Jérusalem d'Apocalypse 21 et 22. Au 1er siècle, l'Église universelle était peut-être assez visible, mais elle est beaucoup plus difficile à distinguer, disons par exemple, durant le Moyen Âge. Par conséquent, les adventistes ne réduisent pas la notion de véritable Église de Dieu à leur seule dénomination et ne l'étendent pas non plus automatiquement aux autres églises chrétiennes. La véritable Église de Dieu est composée d'individus qui croient véritablement en lui. Dieu les connaît. Les adventistes, d'un autre côté, affirment qu'ils sont bien le reste spécial visible de la fin des temps, décrit dans Apocalypse 12 au verset 17 et au chapitre 12 et 14. Ce reste a un caractère local et également universel. Pour méditer, pourquoi l'accomplissement de la prière de Jésus dans Jean 17 est-il si important pour notre Église? Que révèle la volonté d'unité de Jésus pour l'Église du 1er siècle sur sa volonté pour notre Église aujourd'hui? Votre Église locale œuvre-t-elle avec d'autres chrétiens sur certaines questions? Comment cela se passe-t-il? Comment travailler avec eux quand c'est adapté, sans pour autant compromettre aucune des vérités que nous avons reçues? Qu'implique cette déclaration du grand espoir? Comment en faire une réalité parmi nous? Si ceux qui proclament être le peuple de Dieu acceptaient la lumière telle qu'elle brille depuis sa parole, ils atteindraient cette unité pour laquelle le Christ a prié, celle que l'apôtre Paul a décrite comme l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il a ajouté « Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez aussi été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » Éphésiens 4, les versets 3 à 5.